Sophie Alexandra, peut-être qu'un jour vous aurez une bio écrite par Jean-Paul. En tout cas, je vous le souhaite. Jean-Paul, de qui tu nous parles cette semaine? Alors, écoute, comme dans cette émission, on ne gagne pas un rond. J'ai décidé de vous parler de Jim Carrey. Eh oui. Oh là là là. Carrément. Évidemment qu'il ment Carrey. Quand on consulte sa biographie, il n'est fait nullement mention de ses deux sœurs, Isabelle Carrey. Et surtout Maria. Mais en ce qui concerne Maria, peut-être est-ce volontaire vu qu'elle est plutôt ronde. On comprend néanmoins pourquoi ce sera un poids pour sa famille et plutôt qu'arrondir les angles, il préfère ne pas en parler. Jim Carrey est né en 62 à New Market. Alors naître à New Market, c'est un petit peu comme si en France tu naissais à Auchan, toi. Alors le fait qu'il ait été acheté dans un magasin par ses parents comme un vulgaire animal explique sans doute la passion qu'il aura plus tard pour la défense des chiens et chats en tant que détective. Jim Carrey est un Canadien d'origine française. Son nom auparavant s'écrivait Carré comme un carré en français et il est descendant d'une famille de Saint-Malo. Saint-Malo, d'où j'écris justement cette chronique. Il n'y a pas de hasard, tout est écrit, même ma chronique. Alors oui, je sais, je l'ai déjà fait la semaine dernière, mais là la coïncidence est pour le moins troublante. Troublante. Comme cette réceptionniste de l'hôtel Mercure de Saint-Malo qui tout à l'heure m'a proposé une chambre. Faut-il y voir une invitation? Le fait qu'elle m'ait attribué la chambre 69 est-il un signe? Oh là là. Mais je m'égare, mon Parnasse. D'où je suis parti en début d'après-midi. Paris-Saint-Malo en train, oui je sais, j'ai une vie passionnante. D'après Wikipédia, Jim Carrey est repéré par son père à l'âge de 7 ans. Faut-il en déduire que son père n'ait pas fait attention à lui auparavant? La formulation est pour le moins surprenante. C'est donc son père qui décide le premier de le produire dans les cabarets de Toronto. Il a tort, c'est trop tôt. Et ce sera l'échec. Jim Carrey, qui avait entre-temps arrêté l'école, il a commencé à sniffer très tôt, rejoindra alors son père pendant un an dans une usine de pneus. Ça ne sera pas une Goodyear. Oui, oui, comme il est canadien, me permets le franglais, Florian. Oui. Non, je t'en prie. Et bien que ce travail soit crevant et qu'il finisse souvent sur la jante, il ne se dégonflera pas et continuera à écrire. Comme pour joindre les deux bouts, il travaille debout. Il se lance à bord dans le stand-up et ce sera le succès. Il quitte alors l'Ontario pour rejoindre Los Angeles avec seulement 1000 dollars en poche. 1000 dollars, soit exactement 999 000 dollars de moins que ce que le père de Donald Trump lui avait donné pour démarrer dans la vie. Son premier succès, il l'obtiendra avec Ace Ventura, dans lequel, malgré la question posée dans le titre, Ace Ventura, il n'est nullement question, Gilles de Lino, bien sûr. Évidemment. Et encore moins de Toile Cirée. Alors dans Ace Ventura, Jim Carrey est détective, pour chien et chat, et à part partenaire, Courtney Cox, qui contrairement à son nom Cox, n'est pas une chienne. Enfin au cinéma, hein, parce qu'il paraît que dans la vie privée... Mais je laisserai le soin à Florian de vous développer cette information la semaine prochaine. Tu débrouilles, Florian, je veux du croustillant. Hein. Oui, voilà. J'arrive. Puis ce sera The Mask, que j'ai vu 288 fois en compagnie de mon fils Marc. C'est son film culte. Faut dire aussi qu'il avait 6 ans à la sortie du film. Bon, je suis pas certain qu'à l'époque, il ait saisi toutes les sens des répliques. Comme celle-ci, par exemple. Un petit baiser chéri, puis je vous ferai voir ma grosse gondole et une belle tour de Pise, et ensuite je planterai ma grosse fourchette dans vos rabbinés. Enfin, j'espère qu'il a pas compris mon fils, sinon ça signifierait que j'ai complètement raté son éducation. Ma scène préférée dans The Mask, si vous l'avez vu, si j'imagine que vous l'avez vu, c'est quand Cameron Diaz rentre dans la banque dans sa robe à fourreau rouge. Vous vous rappelez? Je trouve qu'elle a une sublime paire de boucles d'oreilles. Oui. Si, j'ai vu la scène 288 fois, je m'en lasse pas. Ouais, ouais. Il incarne ensuite l'un des méchants, Edward, Nygma dans Batman Forever, réalisé par Schumacher. Schumacher, qui depuis sa résidence en Suisse, nous fait un petit clin d'œil. S'il y arrive. Non. Mais je crois qu'il y arrive maintenant. On retrouve ensuite Jim Carrey dans Menteur-Menteur. Menteur-Menteur, dont un remake est actuellement en court tournage en France avec un personnage principal, bien évidemment, toujours Nicolas Sarkozy. Oui, je sais, c'est une attaque un peu primaire, mais les primaires, c'est dimanche. Alors si vous voulez pas vous prendre une bonne droite dans la gueule, ne vous trompez pas. Oh là là là. Oui, c'était la partie politique de ma chronique. Festival. Alors en parlant de tromper, quelqu'un vient frapper à ma porte. Je vais ouvrir car je pense que j'ai vraiment une ouverture avec la réceptionniste. Je terminerai donc avec cette réplique de The Mask. Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Merci. Ouais. Merci Jean-Paul. Ouais.